comprendre les informations principales d'un reportage à la radio. Exercice 6. Et voici notre dossier du jour, la sécurité routière en ville. Tout d'abord, c'est l'occasion de rappeler quelques principes élémentaires. Les piétons ne doivent pas traverser n'importe où. Les motos et les scooters ne doivent jamais dépasser les 50 km/h. Le port du casque pour les deux roues est obligatoire. Enfin, les automobilistes doivent regarder régulièrement dans leur rétroviseur. En 2006, à Marseille, 64 personnes sont mortes et 7000 ont été blessées parce que les règles de la sécurité routière n'ont pas été respectées. Le mois de mars sera donc sous le signe de la prévention, avec de nombreuses journées d'information. L'objectif est de sensibiliser à la sécurité tous les usagers de la route.